Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Des épouses aux vacataires, les petites mains de la science. Au moment où un homme, une femme est honoré, vient le temps des remerciements. Merci à mon père, merci à ma mère, à qui je dois tout. Pour certains, merci à Dieu, à mon épouse, à mon banquier. Et pour une émission de radio aussi, France Culture. Tiens, il y a les remerciements à chaque émission, car une émission ne se construit jamais seule. Merci à Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, collaboratrice spécialisée qui prépare ces émissions. Merci à Jeanne Delecroix, attachée de production, qui est la courroie de transmission de l'ensemble de l'équipe. Merci à Pauline Maragou, stagiaire. Merci aussi à Maïwen Guizhou qui programme cette émission, qui choisit les thèmes et les invités. Merci à vous toutes. Les équipes sont essentielles derrière celui qui parle. Les équipes sont essentielles derrière l'inventeur, derrière la chercheuse. Françoise Vaquet, bonjour. Bonjour. Vous publiez dans les coulisses de la science, techniciens, petites mains et autres travailleurs invisibles. Françoise Vaquet, au moment de publier un livre, il y a toujours la question des remerciements. Oui. Vous posez cette question. Oui, je pose cette question et même j'avais fait précédemment une étude sur les remerciements qui permet de voir, comme vous l'avez justement dit, les personnes qui sont derrière ces ouvrages. Ces personnes sont remerciées, mais cela, il faut penser, c'est assez récent pour l'historien. Jusque dans les années, finalement, début du siècle dernier, n'étaient remerciés éventuellement qu'un grand maître, un professeur. Et ces petites mains, si j'ose dire, qu'elles soient domestiques ou qu'elles soient institutionnelles, n'apparaissaient pas. Par exemple, la famille n'apparaît dans les remerciements qu'à partir, grosso modo, des années 50. Vous avez mentionné les équipes essentielles qui sont derrière une production, quelle qu'elle soit, finalement. Or, ces équipes essentielles, d'ailleurs souvent une personne, il n'y avait pas de grosses équipes, une personne dans le domaine de la science, eh bien, on ne les voyait pas. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce travail, montrer, faire voir des personnes que normalement, on ne voit pas. Et que vous, Françoise Vaquet, vous voyez, vous êtes chercheuse. Donc, à partir de là, vous connaissez très bien la construction même de la recherche avec cette idée fausse de la chercheuse solitaire, isolée dans sa tour d'ivoire, seule aux archives. Non, ce n'est pas comme ça que ça se construit. Ce n'est pas comme ça que ça se construit, même si parfois on est seul dans son travail et tous les chercheurs n'ont pas une équipe derrière eux. Ce phénomène, d'ailleurs, est beaucoup plus, comment dire, important et quasiment constant dans les sciences dures, les sciences de la vie, sciences de la matière, etc. Mais dans les sciences qui sont les nôtres, sciences historiques aussi, cela existe. Et ce que l'on a appelé, ce qui a été les grandes enquêtes collectives, par exemple, des années 60, 70, où, comme l'on disait, le travail d'équipe était souvent fait, en particulier dépouillement d'archives, travaux de codage, travaux de relecture, de mise au point des manuscrits, étaient faits par des personnes qui ne signaient pas, qui avaient au mieux un remerciement, mais qui ne signaient pas. Il faut penser que jusque dans les années 70, les collaborateurs techniques du CNRS n'étaient pas censés écrire et publier. Ah oui, c'était ce silence absolu. En fait, oui. Ce monde invisible que vous étudiez, Françoise Vaquet, dans les coulisses de la science, et justement, vous avez déjà répondu en partie à la question que j'avais envie de vous poser sur la définition même de ce mot « science ». Oui, le mot « science », du moins tel que je l'ai entendu dans mon travail, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le monde scientifique, le monde de la recherche. Ça, c'est ce que j'ai voulu étudier. Et en ne m'arrêtant pas à une discipline, l'histoire, mais en essayant d'avoir une vue assez générale du monde scientifique et en essayant aussi de voir ce monde scientifique dans un passé un peu lointain, 17e, 18e siècle, jusqu'à nos jours, parce qu'il fallait pas non plus que l'on pense que ces petites mains, si j'ose dire, ces collaborateurs n'arrivent que avec la science contemporaine, la science des grands laboratoires, etc. Si on se reporte au XVIIe siècle, il y a déjà des gens qui aident des personnes, des hommes en général, qui aident le chercheur. Quand apparaît cette notion de laboratoire, de groupe humain qui aide à la recherche? Les laboratoires, on peut penser aux grands laboratoires qui se mettent en place au 19e siècle, en particulier en Allemagne, le fameux laboratoire de Leibniz à Gießen. Mais on voit qu'à l'Académie des sciences à Paris, en 1670, il y avait déjà un laboratoire. Et il y a une gravure de Sébastien Leclerc qui montre trois chercheurs en perruqués, en quelque sorte, autour d'une table, et à l'arrière-plan, et j'insiste bien, à l'arrière-plan, des garçons de laboratoire qui allument les fourneaux et manient des instruments. Ce qui est très intéressant dans votre recherche, Françoise Vaquet, c'est d'identifier ces personnes à l'arrière-plan et d'essayer de comprendre aussi quelle est leur utilité. Il n'est pas question uniquement de gestes techniques. La réflexion est essentielle ici, le savoir et la technique. Oui. Alors non, il n'est pas question que de gestes techniques. On saura, et justement, ça, je crois que c'est une chose que j'ai voulu faire voir, c'est que en général, quand on parle de même de nos jours, quand on parle de travail délégué, de travail subordonné, on le fait avec, il y a une sorte de connotation un peu péjorative. C'est un travail moins bien, avec cette opposition naturellement technique et science, intellectuelle, matérielle, conceptuelle et mécanique pratiquement, pour parler du passé. Or, on voit que ces personnes, quelles qu'elles soient, qui apportent une aide matérielle, souvent, en même temps que outre cette aide, il y a aussi tout un savoir derrière, un savoir aussi un savoir-faire qui peut être aussi créatif. Et ça, je l'ai vu en regardant, par exemple, dans le monde de la physique, du laboratoire de physique, des mécaniciens. Et les mécaniciens qui usinent des pièces, mais un usinage extrêmement sophistiqué, extrêmement précis, et qui apportent quelque chose que le chercheur, lui, ne peut pas faire, et qui font un travail, d'une certaine façon, certains le disent, un travail créatif. Et ça, je crois qu'il faut aussi en tenir compte et ne pas penser que ce travail délégué est un travail purement, disons, mécanique, routinier. Il y a certainement une part, comme d'ailleurs dans le travail intellectuel, disons-le, mais aussi, il peut y avoir une partie de création, d'apport et d'apport original. Et puis parfois, derrière le grand homme, la femme qui cherche, il y a, alors, bien sûr, du savoir et du hasard. C'est peut-être autre chose que vous n'avez pas encore trouvé. Autre chose? Comment ça, autre chose? Une chose que vous allez sûrement trouver dans la pêche blette, avec toute votre instruction. Mais dans la pêche blinde, Georgette, blinde. Outre l'uranium, il y a de l'arsenic, de l'antimoine et du barium. Et des impuretés. Or, ni l'arsenic, ni l'antimoine, ni le barium ne sont radioactifs, ça, on le sait. Alors, c'est peut-être les impuretés qui yoyotent. Non, mais ces impuretés ne contiennent même pas de métal. Comment voulez-vous qu'elles soient radioactives? Tu as vérifié? Non? Fallait vérifier quand même. C'est Marie Curie, évidemment, dans le film de Claude Pinoteau, Les femmes de Monsieur Schultz. C'est Isabelle Huppert, Marie Curie. Et c'est Georgette, la nounou, qui a l'intuition. Il faut aller voir ailleurs. Françoise Vaquet, ces personnages dans les coulisses apparaissent quelquefois. Mais alors, là, dans le jeu anecdotique, nous sommes sur le hasard. L'idée même de réfléchir à leur rôle est complètement en marge. Vous nous avez dit tout à l'heure que pour les remerciements, il y a une chronologie. On remercie dans un premier temps le maître et puis à un moment, on se met à remercier les gens qui aident. Qu'est-ce qui explique ce basculement selon vous? Je dirais d'abord que ce basculement est assez tardif. Si l'on prend par exemple des thèses de sciences, où là il y a vraiment des équipes et souvent des collaborateurs apportant des savoirs souvent divers, puisque même la science quand même devient de plus en plus interdisciplinaire, le phénomène est très récent. Et pourquoi aussi est-il très récent? C'est que pendant longtemps, ce personnel a été très marginal. Il n'y en avait pas beaucoup. Il faut penser que pour le CNRS, dans les personnels techniques, juste après-guerre, on est dans l'ordre de 400-500 personnes. C'est très peu de monde. Donc aussi, il n'y a pas énormément de monde à remercier. Cela explique aussi autre chose, un autre phénomène que j'ai pointé, c'est que derrière un savant, derrière un chercheur, eh bien, il y a aussi son épouse. Il y a des collaborateurs domestiques, son épouse. Et il y a beaucoup d'épouses qui ont fait des travaux, d'abord simple, disons de dactylographie. Au début de la première moitié du XXe siècle, un homme ne touchait pas à la machine à écrire. Et je pense que jusqu'à l'arrivée des ordinateurs, il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont jamais touché à une machine à écrire. Hein. Bon, donc la Fèle Tapé, elle relisait des épreuves. Souvent, elle dessinait. Par exemple, en sciences, des femmes faisaient les dessins des travaux de leur mari. Elle faisait les photographies. On en voit aussi qu'ils faisaient des traductions, car les garçons étant mis, surtout dans la première moitié du XXe siècle, les garçons étant mis au latin et au grec, ils faisaient moins de langues vivantes que les femmes auxquelles le latin a été interdit très longtemps, et ce n'est que jusqu'en 1925 qu'elles ont eu le même programme de latin que les garçons. Donc elles faisaient les langues vivantes et elles aidaient comme ça leur mari. Il y a un apport domestique absolument considérable, et beaucoup dans le domaine historique, il y a bien des femmes qui ont aidé leur mari en allant aussi dépouiller dans les archives. Françoise Vaquet, à vous écouter, j'ai l'impression que vous parlez d'expérience sur l'utilisation d'une machine à écrire ou le rôle des épouses. C'est-à-dire que j'ai été frappée, du nombre de cas que j'ai trouvé. Et alors naturellement, c'est quand ce que j'ai trouvé, c'est des fois un peu par femme d'homme célèbre, disons, où il y a des archives, où on a des documents, parce que là aussi on a ce problème de la documentation, de trouver ces personnes. On voit des indices, elles existent, mais comment aller plus loin? Et là, souvent, les sources ne sont pas il faut lire beaucoup, il faut brasser beaucoup. Il n'y a pas un corpus défini d'emblée, mais on trouve là beaucoup de choses et beaucoup d'indications très concrètes du travail fait. La question des sources est essentielle dans votre démarche, oui. Françoise Vaquet, pour retrouver ces invisibles. Voilà. Les sources, bien, quand nous évoquons les épouses, il y a simplement la biographie. Alors souvent, c'est la biographie du maître. Du maître, voilà. Des témoignages d'autrui, des correspondances, des hommages à un moment donné, au sommet de la carrière, on parle de l'épouse qui a aidé le maître. On arrive à trouver beaucoup de choses. Et puis il y en a aussi qui ont écrit sur elles-mêmes. L'épouse de Robert Schnerb a écrit deux volumes de souvenirs, de mémoires, naturellement en défense de son mari, mais où elle parle beaucoup aussi de son propre rôle aux côtés de son mari, tant pour la thèse qu'ensuite pour une revue. Oui. Robert Schnerb, spécialiste de la Révolution française, voilà, un historien. Les contributions directes. Et voilà, c'est vrai que nous imaginons bien au moment de faire de l'histoire économique combien avoir quelqu'un derrière qui retranscrit des séries de chiffres est essentiel. Alors, témoignage précieux de la part de l'épouse dans ce cas-là. Et là, ce que je peux vous dire, ce qui est très intéressant, c'est que le phénomène devait être certainement plus répandu, parce que quand Robert Schnerb s'est marié avec une femme qui était sévrienne et agrégée, il a été félicité par son directeur de thèse pour le bon choix qu'il avait fait d'une épouse qui pourrait l'aider. Donc, on voit aussi que là, derrière, c'est quelque chose qui était un peu, qui était à l'arrière-plan. C'était un avantage, en quelque sorte, d'avoir quelqu'un qui pourrait vous aider. Et il y a bien des historiens français qui ont été aidés par leur épouse. Et parmi les plus célèbres. Et parmi les plus célèbres. Et là aussi, nous sentons, Françoise Vaquet, que vous parlez d'expérience. Vous avez pu assister à ça. Non, mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant quand son objet d'étude est celui dans lequel l'on est plongé en permanence. Oui, oui. J'ai entendu parler. On discute beaucoup avec des témoignages d'épouses de chercheurs et parfois ce n'est pas l'épouse du chercheur qui parle, c'est le neveu en l'occurrence ici, c'est Marcel Mauss, le neveu d'Émile Durkheim. Elle avait été pendant 30 ans la compagne d'Émile Durkheim. Elle lui avait fait l'existence familiale digne, paisible, que celui-ci considérait comme la meilleure garantie de la moralité et de la vie. Pendant de nombreuses années, elle copia certains de ses manuscrits, corrigea toutes ses épreuves. Sans elle, l'année sociologique eût été un fardeau écrasant pour Durkheim. Elle participa toujours, non seulement à toute la besogne matérielle de gestion, d'administration, de correspondance, de correction et de distribution des preuves, mais aussi à la confection du manuscrit, et même souvent, discrètement mais sûrement, à sa correction. Elle a été enfin la juste exécutrice des volontés de Durkheim, la fidèle archiviste, la copiste de tous ses manuscrits, qu'elle était une des seules personnes à pouvoir lire. C'est Marion Malenfant qui nous lisait cet extrait de l'année sociologique publié au moment de la mort de Louise Durkheim, l'épouse d'Émile Durkheim. Françoise Vaquet, nous avons ici un condensé, en plus c'est rédigé par Marcel Mauss, qui est en plus un personnage essentiel dans la recherche. Nous avons un condensé de l'action, de l'œuvre, du travail qui est fait en coulisses. Exactement. Et c'est vraiment un très beau texte. D'abord, le premier point, c'est qu'elle a assuré à son mari, disons, une vie confortable. Et c'est vrai que d'abord, il avait fait un très beau mariage, Durkheim. Il faut pas l'oublier. Et elle s'occupait finalement de tout la partie domestique, y compris l'éducation des enfants et de tout ce que nous pourrions appeler aujourd'hui le care. Elle assurait cela finalement, tout le care. Également, elle avait eu une certaine instruction, l'instruction d'une jeune fille bourgeoise. Donc, elle fait des travaux donc de copie, de mise au net, de la correspondance. On voit aussi qu'elle s'occupe de l'année sociologique, non seulement pour la partie matérielle, mais aussi pour une partie peut-être un peu plus intellectuelle, en corrigeant des choses. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'on voit aussi que souvent, chez ces femmes qui ont aidé leur époux, on leur attribue aussi la correction du style. Et ça aussi, les filles, par leur éducation, où elles étaient beaucoup plus frottées de littérature que les garçons, avaient ce talent. Et très souvent, ça c'est une notation que j'ai trouvée, qu'elle corrigeait au point de vue stylistique les manuscrits. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. Non, le témoignage, là, est vraiment splendide, parce que, en plus de mots, Mauss a réussi à donner une vue d'ensemble de ce. Et en plus, il connaissait très bien sa tante, puisqu'au moment. Alors que Durkheim a fait une partie de sa carrière à Bordeaux, et Marcel Mauss à Paris s'occupait aussi de la revue. Il communiquait avec son oncle, toujours pressé, rien allait, etc. Et je pense que Madame Durkheim aussi a dû devoir travailler à la hâte, vu Durkheim. Et donc, le portrait qui est fait est un portrait fait en pleine connaissance de cause. Marcel Mauss, c'est le père de l'anthropologie, simplement, Françoise Vaquet. Est-ce que vous pensez que le fait que ce soit un anthropologue, Marcel Mauss, qui porte autant d'attention à l'épouse d'Émile Durkheim, qui est en même temps sa tante, montre qu'il y a des différences sur la reconnaissance de ses petites mains selon les champs disciplinaires? Est-ce que vous avez vu entre les sciences dures et puis les sciences humaines de grandes différences? Non. Souvent, c'est la différence qu'il y a, elle serait en nombre, en personnel, en quelque sorte. Mais je pourrais vous citer un témoignage un peu plus tard, 50 ans plus tard, de l'épouse d'un grand médecin, chirurgien français, René Le Riche, qui a été professeur au collège de France, et dont l'épouse s'est entièrement dévouée à l'œuvre de son mari, Il lui en parle dans son autobiographie, elle en parle dans son autobiographie. Donc on a les deux récits, hein, l'homme et la femme. Et c'était une jeune femme qui était interne en médecine, qui a connu son mari un peu plus âgé, et qui s'est entièrement occupée de lui pour la partie domestique, comme Madame Durkheim, mais aussi une partie intellectuelle, et alors là, beaucoup plus sophistiquée, parce qu'elle avait donc des connaissances médicales, et par exemple, outre la revue qu'avait son mari, le Lion chirurgical, elle s'occupait également de lui faire des fiches de lecture dans des revues étrangères, pour que son mari soit au courant de tout. Françoise Vaquet, tout ce travail que vous évoquez n'est pas un travail reconnu. La question du travail et du salariat est essentielle. Oui. Ici, il n'y a pas de salaire. Non, alors pour ces femmes, non, il n'y a pas de salaire. Pour les collaborateurs techniques, oui, les collaborateurs techniques sont payés. Ceux qui sont recrutés sont payés, qu'ils soient soit statutaires ou vacataires. Mais il faut penser aussi qu'il y a parmi ceux qui sont payés à la vacation ou avec des contrats, il y a aussi une masse, aujourd'hui encore plus, une masse de précaires qui travaillent aussi dans les coulisses que l'on ne voit pas toujours. Personnes de statut un peu difficiles puisqu'ils ont à la fois un pied dans les institutions et un pied en dehors. Et il y a toujours des bénévoles. Et il y a des gens qui ont toujours été bénévoles. Une femme comme Arlette Leroy-Gourand avait été bénévole quand elle avait commencé sa carrière au musée de l'homme, et elle a été bénévole toute sa vie. Oui, c'est ça, hein, c'est le bénévolat absolu, parce que... Mais tous ces gens-là travaillent pour la science, oui. Alors dès lors, on leur demande d'accepter des choses qui sont inacceptables. Et qui sont inacceptables, mais ça ne veut pas dire que ces personnes ne doivent pas être reconnues, et qu'elles ne doivent pas, qu'on ne doit pas prêter attention d'abord à leur travail, mais aussi à leur personne. Parce que dans les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé aussi des textes extrêmement durs et des paroles extrêmement dures contre ces personnes, considérées simplement comme des instruments, comme des bras, comme des mains, voire comme rien du tout. Laissons la parole au maître. Voici Jacques Lacan. Fin du chapitre sur le travail du rêve dans la Traum d'Autumn. Qu'on l'évalue comme savoir, qui ne pense pas, ni ne calcule, ni ne juge. Je le cite, ce qui ne l'empêche pas de travailler dans le rêve. Et comment? Ça ne vous inspire rien? C'est le travailleur idéal, celui dont Marx a fait nommément la fleur de l'économie capitaliste dans l'espoir de lui voir prendre le relais du discours du maître. En 1974, Jacques Lacan, psychiatre, psychanalyste, évoque le travail, l'inconscient et Marx. Alors c'est intéressant d'évoquer Marx ici avec certaines formes de domination. Françoise Vaquet, intéressant le cas Lacan. Ah, le cas Lacan est intéressant. Surtout que dans ces années-là, Lacan, quand il faisait son séminaire, avait à son côté, sur l'estrade, une personne qui était une sténotypiste et qui enregistrait, en quelque sorte, les paroles du maître. Et cette sténotypie a été ensuite la base des séminaires de Lacan, tels qu'ils ont été ensuite officiellement publiés, parce qu'il y a diverses publications, mais la publication officielle. Donc, il y avait cette sténotypiste qui a travaillé aux côtés de Lacan pour ses séminaires pendant 12 ans. Pas une fois, Lacan ne lui a adressé la parole, et le seul jour où il a parlé d'elle en public, il l'a désignée sous le nom de la tapeuse. Et cette tapeuse, si j'ose dire, Maria Pirakos, a publié quelques années plus tard un petit livre intitulé « La tapeuse de Lacan », où elle marquait sa... comment dire, à la fois son opposition à la psychanalyse lacanienne, mais aussi elle réglait en quelque sorte un compte en dénonçant la muflerie qui avait été celle de Lacan à son égard. Maria Pierakos, la tapeuse de Lacan, souvenir d'une sténotypiste fâchée. Elle le dit clairement dans le titre de son ouvrage. En colère. Ah oui, oui, elle était drôlement en colère parce qu'il y a aussi dans cette histoire, Françoise Vaquet, une histoire de domination. La hiérarchie est au cœur, en fait, de cette question. La hiérarchie est au cœur de cette institution. Bon, elle se voit dans les organigrammes. Et c'est une hiérarchie qui peut être une hiérarchie, je dirais, multiple. D'abord, c'est une hiérarchie professionnelle. Hein. Il y en a qui sont dans des fonctions supérieures aux autres. Mais il y a aussi, on se rend compte, souvent un gap, surtout pour des périodes peut-être avant les années 60, 70, un gap social. Il a été observé que souvent, dans les milieux de recherche, les chercheurs étaient d'un milieu social supérieur aux autres. Et d'ailleurs, pour des témoignages biographiques, autobiographiques, qui sont donnés par exemple par des photographes qui ont travaillé à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. On a toute une série de témoignages. Et ce sont souvent des gens qui venaient de milieux relativement modestes, ou du moins de milieux où les parents n'avaient pas permis aux enfants de pouvoir faire des études très, très, très poussées, certains. Ensuite, cette domination se marque aussi de façon parfois concrète par le vêtement. Par exemple, il a été noté dans les laboratoires de médecine anglais, au Grand Institut de médecine, l'équivalent de l'INSERM en Angleterre, et bien jusque les années 60, les chercheurs avaient seuls le droit de porter les blouses blanches. Les techniciens devaient porter une blouse marron. Et en France, on a quelques exemples de chercheurs ayant exigé de leurs collaborateurs techniques de mettre une blouse bleue et non la blouse blanche, à peu près dans les mêmes années. Donc, on voit aussi qu'il y a comme ça des différences qui sont marquées et naturellement, souvent, des paroles assez méprisantes, assez dures à l'égard de ces personnes. Ah, le subalterne doit rester subalterne. Françoise Vaquet, vous êtes l'autrice de L'ordre matériel du savoir, oui. 16e, 21e siècle, mais aussi d'une histoire émotionnelle du savoir, 17e, 21e siècle. J'insiste sur la chronologie parce que vous travaillez sur ce temps long. Oui. Les évolutions sont-elles une évidence ? À vous dire et à vous écouter, j'ai l'impression que les schémas majeurs dominent sur l'ensemble de cette période. Oui. Par exemple, pour les émotions, eh bien, on a des exemples de souffrance, en quelque sorte, de l'assistant, du collaborateur technique. On en a des exemples au XVIIe siècle et on en a des exemples à l'heure actuelle de souffrance au travail, comme aussi de bonheur. Hein. Il y a des gens qui ont fait des carrières très très très, très heureuses. Je pense, par exemple. Prenons deux exemples. Hein. Mabillon, le fameux bénédictin maître de la diplomatique au XVIIe siècle, a eu un assistant toute sa vie, une grande partie de sa vie, puisque l'assistant est mort avant lui, Don Germain. Et ce Don Germain était à la fois tout dévoué, en admiration devant le maître, tout heureux de travailler avec le maître. Mais certains jours, il reconnaissait quand même que c'était dur de prendre un autre alors que le maître parlait à toute vitesse, plein d'enthousiasme. Donc il y a à la fois admiration, souffrance. Et j'ai trouvé pour les années 50-70, il y a l'autobiographie que la secrétaire de Jacques Monod, Madeleine Brunnery, a laissée, qui est une sorte de conte enchanté, avoir vécu dans l'aura du maître, etc. Vraiment, c'est porté aussi par une admiration un peu, quelque peu amoureuse. Mais il y a aussi le choc énorme quand Monod devient directeur de l'Institut Pasteur et qu'elle n'est plus sa secrétaire particulière. Et là, on se rend compte que tout un monde est brisé et qu'il y a une souffrance terrible. Ah, l'émotion, c'est toujours très beau de mettre de l'émotion dans la recherche parce que nous le savons, c'est un des moteurs de la vie. C'est bien sûr. Et puis, comment le chercheur n'est pas une une abstraction n'est pas tout intellect en quelque sorte, même s'il l'est un peu, mais c'est aussi un être de chair et de sang. Et le travail non plus, la science elle ne marche pas sur des roulettes. Hein. Il y a des moments qui sont porteurs et puis il y a des moments de désespoir, on ne trouve rien, désespoir profond. On vit aussi dans un, on ne vit pas seul, on est dans un monde de, comment dire, d'institutions. Et les institutions ne sont pas toujours ce que l'on souhaiterait, et les collègues non plus. Et puis, dans ce... je ne dis pas que vous parlez d'expérience en ça, je ne me permettrai pas. Vous avez cité l'Institut Pasteur, et cette recherche s'inscrit aussi dans un univers social. Oui. Ce monde de la recherche est à l'image de la société, avec la figure du grand chercheur Louis Pasteur. Je voudrais vous mettre dans une certaine ambiance, et pour ce faire, voici d'immortelles phrases qui sont de Louis Pasteur. La science vit de solutions successives données à des pourquoi de plus en plus subtils. Combien je voudrais avoir la santé et les connaissances spéciales nécessaires pour me jeter à corps perdu dans l'étude expérimentale de quelques-unes de nos maladies contagieuses. La meilleure preuve qu'un observateur est dans la vérité, c'est la fécondité non interrompue de ses travaux. Sacha Guitry dans Sans Merveille qui explore Pasteur, mais Pasteur, saint laïque de la science voulu par la République, et Pasteur qui, eh bien, parle de son travail, bien sûr, sachant qu'il y a Pasteur, il y a l'Institut Pasteur, il y a tout le monde derrière. Certains, quand même, ont fait carrière et nous les connaissons. Oui. Mais Françoise Vaquet, ce monde que vous explorez, celui des coulisses de la science, eh bien, pâtit du fait qu'il y a l'attente d'un nom, d'un homme, d'un chercheur, d'un inventeur. Ah, ben ça, c'est aussi... il faut penser aussi que l'histoire des sciences, l'histoire des savoirs, telle qu'elle a été écrite, et jusqu'à une date fort récente, est une histoire, disons, hagiographique, qui met au premier plan les grandes inventions, les grandes idées, les grandes découvertes et les grands livres. Et le reste, ben, est passé complètement à la trappe. Je dirais que cela, peut-être, n'a pas totalement disparu quand on regarde le monde scientifique à l'heure actuelle, avec l'insistance qui est mise d'abord sur une culture d'excellence et également sur une hypervisibilité médiatique. Et cela a pour conséquence de rejeter, en quelque sorte, dans l'ombre, de laisser dans l'ombre tous ceux qui ne sont pas sous le feu, en quelque sorte, des projecteurs. Même si, à l'heure actuelle, les choses sont peut-être moins radicales que par le passé, on est frappé, quand on lit l'histoire des sciences, des savoirs, qu'elle est faite encore de grands noms. Et ce que j'ai peut-être voulu faire dans mon travail, ce n'est pas du tout de déshéroïser ces grands noms, ils méritent tout à fait leur réputation, mais de montrer que la science qui se fait, et en mettant l'accent non sur la science faite, mais la science qui se fait au jour le jour, montant à voir qu'il y avait autour toute une population diverse, nombreuse, qui avait servi aussi la science. Et puis au moment d'évoquer ces émotions qui sont essentielles et les souffrances, il y a l'idée aussi que une personne va profiter du travail de tous les autres. Et la souffrance apparaît quand certains, et c'est quelque chose que nous croisons régulièrement, se sentent dépossédés de leur travail en coulisses pour juste la gloire d'un autre. Oui, se sentent souvent même, disons, volés et expropriés. Et cela n'est pas nouveau du tout. Il y a eu, l'exemple majeur est très très intéressant. Il y a eu aux États-Unis un homme qui était d'origine suisse, Agassiz, Louis Agassiz, qui est arrivé après une carrière en Europe. Il arrive aux États-Unis et c'est lui qui à Boston, à Cambridge, va vraiment créer l'enseignement de l'histoire naturelle. Cet homme a été probablement un homme assez entreprenant, séduisant, enthousiasmant, et il a rassemblé autour de lui très vite des élèves absolument fascinés par cet homme et qui ont créé d'ailleurs un club autour de lui, etc. Mais très vite, ils se sont rendus compte que le maître, s'il était prestigieux aussi et enthousiasmant, était aussi volé. Et très vite, il a été surnommé le grand anéantisseur, Great Annihilator. Et non seulement il a été surnommé comme cela, mais ces mêmes étudiants qui avaient formé un club de fans, pourrait-on dire, ont formé un autre club d'étudiants qui doivent se méfier des professeurs étrangers. Et plus encore, il y a un de ces étudiants qui était très avancé, qui avait déjà fait une thèse, etc., qui a publié un texte qui s'intitulait une réclamation contre pour réclamation pour propriété intellectuelle, parce qu'il disait qu'il lui avait volé son travail. Ça, c'est quelque chose qui arrive très très fréquemment. Oui, c'est très fréquent. Alors, bien sûr, il y a la construction même du monde de la recherche, et puis la recherche elle-même qui s'appuie toujours sur des travaux antérieurs. Encore faut-il penser à les citer. Et nous l'avons bien dit, hein, l'image du grand homme est une attente sociale, bien souvent. Et puis, il y a la manière dont les petites mains, dans les coulisses, les épouses notamment, acceptent une certaine forme de domination. Madame Hélène Nel, aujourd'hui c'est une très très grande journée pour vous. Alors avec vous, nous allons partir à la découverte, non pas du prix Nobel, mais de l'homme. Qui est-il, cet homme ? Une merveille d'équilibre. C'est ce que je peux en dire de plus clair. Il est très scientifique, mais en même temps, il aime beaucoup la littérature, surtout la littérature classique. Il aime également beaucoup les promenades dans la campagne, à pied. C'est un homme très tranquille et j'aurais de la peine à dire quels sont les points saillants et extraordinaires de son caractère, excepté beaucoup de vertus naturellement, puisque je l'ai épousé. Vous êtes marié depuis... Nous sommes mariés depuis 1931. Depuis 1931, vous êtes donc sa compagne, vous avez vécu tous ses travaux et vous étiez certaine qu'un jour il aurait le prix Nobel ? Certaine, non, parce que le prix Nobel est tout de même choisi par le jury de Suède et qu'on ne peut pas savoir ce que pensent d'autres que vous-même. Mais enfin... On pouvait en avoir un espoir raisonnable. C'est Hélène Nel qui s'exprime en 1970, au moment où son époux Louis Nel reçoit le prix Nobel de physique. C'est des travaux sur le magnétisme, sentons qu'il y a quelque chose de magnétique entre ces deux-là. Mais dans le discours d'Hélène Nel, il y a vraiment le discours attendu de l'épouse qui parle de l'intime de son mari, et rien de plus. Oui, et puis cet effacement dont vous avez parlé, il y a beaucoup d'épouses qui ont collaboré avec leur époux, mais qui ont refusé de signer. L'épouse de Léopold Delisle, le directeur de la bibliothèque, administrateur de la Bibliothèque nationale, et qui a fait rentrer la Bibliothèque nationale, disons, dans une certaine modernité, au début à la fin du 19e siècle, l'épouse de Léopold Delisle a beaucoup travaillé à côté de son époux et a toujours refusé de signer. Elle ne voulait même pas que son nom soit mentionné. Et là, il y a toute une série de témoignages similaires. Il faut penser qu'en France, jusqu'en 1938, la femme n'a pas la capacité, pleine capacité juridique, et qu'elle est soumise à la puissance maritale, et que même après 1938, le mari peut interdire à son épouse d'exercer une fonction. Bon, et aussi, il faut penser que les choses ne changent pas immédiatement avec une disposition de loi, mais il y a aussi toute l'éducation qui a pu jouer dans des familles bourgeoises, et où elle était aussi relayée par, pour celles qui étaient familles catholiques, par l'éducation religieuse. Hein, la femme doit être quand même soumise à son époux. Et aussi, il faut penser à autre chose, c'est que les femmes... Quand elles rentrent à l'université, d'abord elles ne rentrent que comme étudiantes, et que ce n'est que très tard, relativement tard, qu'elles accéderont à des fonctions d'enseignement. Donc aussi pour beaucoup d'épouses, entre les conditions sociales, les conditions professionnelles, on peut dire que tout portait à cette sorte de, comme on disait, de modestie en quelque sorte, qui était la grande qualité féminine, mais que l'on retrouve aussi dans le monde du travail. Souvent des collaborateurs sont loués les qualités qu'on leur reconnaît seront des qualités comme la modestie, d'être modeste, d'être dévoué, d'être laborieux, qui sont des belles qualités d'ailleurs, mais on voit bien que ce sont quand même des qualités secondaires et des qualités aussi qui sont pas très loin de l'ordre domestique. Et puis qui s'inscrivent dans un champ de relations sociales particulier qui est celui de la domination avec des codes extrêmement précis. Vous nous avez évoqué les habits. Mais dans cette histoire, Françoise Vaquet, dans les coulisses de la science que vous publiez au CNRS Éditions, mais même dans vos autres travaux, l'ordre matériel du savoir et une histoire émotionnelle du savoir, par exemple, le temps long est une obligation car entre la décision ponctuelle administrative d'un changement de statut et l'intégration de ce changement, il faut parfois beaucoup de temps, voire des générations. Ça, c'est exact. Il y a des sortes de mémoire longue, de tradition longue, d'habitude. L'université Mandare, c'est un monde un peu conservateur de ce côté-là, comme tout le monde de l'éducation. On ne change pas les choses en un jour, ou quand on change, eh bien, on ne change pas tout. Il y a des choses qui demeurent. Et donc, ça, je pense que, il faut aussi en prendre, en tenir compte, et aussi penser que souvent des phénomènes ne sont pas, comme on dit, des phénomènes, parce qu'on les constate aujourd'hui, parce qu'on a plus de sources, plus d'informations, ne sont pas des phénomènes modernes, c'est des phénomènes qui ont souvent une longue durée. Oui, c'est cette longue durée qui est drôlement intéressante, surtout au moment de constater certains changements. Regardons un peu comment est qualifié le mot « remerciement » dans un dictionnaire féministe, celui de 1985. Les remerciements. Avant le féminisme, cette portion d'un livre où les auteurs reconnaissaient les idées et les contributions intellectuelles dues à des hommes et les services de secrétariat et de préparation du texte faits par des femmes, et où les hommes remerciaient leurs épouses pour une lecture critique de leurs manuscrits sans leur demander d'être co-auteurs. Merci Marion Malenfant pour cette lecture de ce dictionnaire du féminisme, mais avec ce jeu qui est très intéressant, c'est qu'à l'intérieur même du remerciement, il y a toujours ces schémas de domination. Oui. Et puis alors cette partition, hein, avec des collaborateurs, disons, dans le monde domestique, aussi des secrétariats institutionnels, et également avec ce texte, on voit bien aussi des ordres qui sont distingués, ce qui est intellectuel, donc qui est supérieur au reste. Ce texte est, je crois, des années 60, 65, 68, à peu près. Moi, j'ai 85. 85. Bon, est-ce que les choses ont totalement changé aujourd'hui? Je me pose une question. Je pose la question. J'ai été frappée en regardant des thèses, toute une série de thèses, sur le site d'archives ouvertes, HAL, où les thèses maintenant sont déposées. J'ai lu beaucoup de remerciements, et j'ai été frappée de voir que pour l'épouse ou la compagne, maintenant, eh bien, restent encore associés des mots de encouragement, relecture, soutien, rarement le mot de dialogue intellectuel, c'est très rare. Ça reste plutôt de l'ordre de l'encouragement et du soutien, et aussi de la relecture. Oui. Toujours à l'image un peu de ce qui se passe ailleurs dans la société, exactement, Françoise Vaquet. Exactement. Vous êtes directrice émérite de recherche au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Vous êtes médaille d'argent du CNRS. Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences très nettes entre les institutions? Alors, il y a le CNRS, il y a l'université, il y a des écoles, il y a d'autres laboratoires. Est-ce que vous avez pu distinguer des spécificités? Alors, les spécificités sont essentiellement par les disciplines. Si l'on prend maintenant tout ce qui est, par exemple, science de la vie, par exemple, hein, biologie ou biomédecine, on voit, les collaborations, quand on voit la liste des auteurs, c'est une liste souvent beaucoup plus de nombreux auteurs. Chez nous, c'est 1, 2, 3 auteurs. Là, c'est au moins maintenant autour de 6 auteurs. Et là aussi, la différence, c'est que chez nous, quand par exemple 2 deux collègues signent ensemble ou un collègue, un assistant, les deux noms sont mis souvent par ordre alphabétique. Alors que là aussi, il y a toute une hiérarchie dans les noms et on distingue maintenant auteur, contributeur et personne remerciée. Donc ça, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des hiérarchies qui, au début, on ne perçoit pas et dès qu'on est un petit peu informé, on voit très bien comment les choses s'organisent. Beaucoup plus que chez nous. La différence, elle serait plutôt là. D'autant que chez nous, par exemple, en domaine historique ou des sciences humaines, beaucoup d'instituts de recherche sont des instituts mixtes entre le CNRS et une université ou un grand établissement de recherche. Et donc, ça, on ne voit plus tellement de différence entre les uns et les autres. Enfin, moi, c'est mon impression. Françoise Vaquet, vous êtes sensible quand, pour rester chez nous, c'est-à-dire en histoire, il y a ces remerciements pour tous les gens qui ont œuvré à la création d'un livre, les archivistes essentiels, les archivistes, tout le personnel de documentation, de secrétariat, qui aident peu à peu, en fait, à cet ensemble qu'est l'ouvrage. Et surtout, qui fournit souvent les instruments de recherche qui vont nous être essentiels. Un répertoire d'archives, un catalogue de bibliothèques. Et maintenant, bien de ces instruments sont devenus des instruments informatisés. Hein. Tous les répertoires, les portails numériques, les archives ouvertes. Mais il faut bien penser aussi que derrière tous ces instruments, il y a des personnes qui les font. Et là, j'en arrive parfois à me demander si maintenant, ce numérique étant une chose qui va tellement de soi, si peut-être on ne verrait pas moins, en quelque sorte, ces personnes. On n'y pense pas qu'il y a ces personnes qui alimentent ces répertoires qui sont absolument fondamentaux pour nos travaux de recherche, ne serait-ce que pour retrouver des informations. Le site Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, par exemple. Il y a des gens, oui, derrière. Il y a des gens derrière, comme derrière les archives ouvertes HAL, ce grand réservoir, hein, ce grand dépôt où l'on met des thèses, des publications, etc. Eh bien, il y a des personnes derrière qui font ne serait-ce que tous les liens, qui établissent les mots-clés, qui aussi mettent les balises qui permettront ensuite de faire les recherches. Kern, Percé pour les articles scientifiques. Françoise Vaquet, il y a aussi un peu dans cette démarche, en travaillant sur les techniciens, les petites mains, les autres travailleurs invisibles, presque un hommage, j'ai l'impression, comme une forme de remerciement. Ben, merci, sans insister, mais dire, voilà, moi je suis consciente qu'il y a tous ces gens-là qui travaillent. Oui, je pense, je ne suis pas partie de, comment dire, d'une démarche, disons, militante ou célébrative. Mais les choses peut-être se sont imposées un petit peu à moi et je me rends compte qu'aussi il faut rendre justice à ces personnes, qu'il faut simplement les reconnaître, être conscient du travail qu'elles font et de ce qu'elles apportent aux chercheurs en particulier et au savoir en général. Il est certain qu'un chercheur seul, même s'il est brillant, avec une table, une chaise, ne fera pas grand-chose. Non, et même un chercheur seul, à l'heure actuelle, en utilisant l'ordinateur, les ressources informatiques qu'il va y trouver, eh bien, d'une certaine façon, il est un peu dépendant, en quelque sorte, ou, disons les choses plus positivement, il bénéficie du travail d'autrui. Merci vivement Françoise Vaquet de nous avoir parlé de ces coulisses de la science. Dans les coulisses de la science, c'est le titre de votre ouvrage publié au CNRS Édition. Merci beaucoup à vous, ça fait réfléchir sur ce monde particulier qui est celui de la recherche. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Une histoire mondiale de la France est-elle possible ? En 2017, une histoire mondiale de la France a été publiée aux éditions du Seuil sous la direction de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. La performance tenait d'abord dans son ouverture internationale puisque 122 collaborateurs de différents pays ont apporté des contributions diversifiant les regards sur cet objet d'étude qu'on appelle la France. L'ouvrage propose une vision originale de notre histoire nationale en la reliant à celle du monde. 146 dates, rappelant des événements peu ou mal connus du grand public, ont été retenues pour nourrir une démarche qui donne un ample aperçu des renouvellements récents de la recherche. Cette publication a suscité une vive polémique qui s'est focalisée sur les buts civiques clairement affichés par les auteurs. Leur objectif était en effet de présenter un regard décentré sur l'histoire de notre pays pour en finir avec le roman national qui a trop longtemps servi à alimenter l'entre-soi franco-français. Cette perspective a provoqué la colère de tous ceux qui pensent que l'histoire doit servir à cimenter l'identité nationale. Mais elle a été critiquée aussi par des universitaires comme l'historien académicien Pierre Nora. Il a mis en cause une méthodologie qui exagère lourdement, selon lui, le décentrement du regard en privilégiant l'insertion de la France dans un cadre mondial, ce qui occulte bien souvent les facteurs explicatifs internes à l'État national français. Pierre Nora a reproché aussi aux idéologues de gauche que sont, à ses yeux, Patrick Boucheron et ses collaborateurs, d'avoir malmené la science historique pour cautionner leur parti pris politique. Il affirme que ce parti pris les a poussés à promouvoir des dates alternatives au détriment de celles qui faisaient consensus jusque-là. Pierre Nora estime que cette posture iconoclaste marque la fin d'une vérité commune pour les historiens. Patrick Boucheron et les quatre coordinateurs de l'ouvrage ont répondu que cette vérité commune n'avait jamais vraiment existé dans le petit monde des historiens, car, comme toute science, la recherche historique se renouvelle par la formulation de nouvelles questions et la découverte de nouvelles sources. C'est vrai. Toutefois, pour que le grand public comprenne mieux les enjeux de cette polémique, il aurait été utile de préciser que toutes les histoires de France sont des synthèses qui ne répondent pas à des questions proprement scientifiques, mais à des enjeux mémoriels. Les historiens jouent un rôle essentiel dans le renouvellement de la mémoire collective grâce à ce genre de publication. Dans le meilleur des cas, elles donnent un aperçu, même s'il est toujours partiel et discutable, de l'état de la recherche savante à un moment donné. Cette histoire mondiale de la France en est l'illustration. On peut en conclure que, finalement, ceux qui ont critiqué l'ouvrage déplorent les nouvelles orientations d'une recherche historique de plus en plus fragmentée et fortement insérée dans des réseaux transnationaux. S'il est légitime que les commentateurs extérieurs au monde de la recherche interviennent sur les questions mémorielles, je pense que ce n'est pas à eux de fixer dans les médias les normes de l'histoire savante. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares. Merci. Avec aujourd'hui à la technique Jean-Guy Lamège. Merci. Une émission préparée par Valentine Lovrens avec Marion Dupoint, Toscane Vudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Maïwenn Guizhou. À écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.